travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. À part le charbon, l'Éthiopie renferme à peu près toutes les richesses. Il y a de l'or, il y a du platine, il y a du cuivre, il y a du fer, il y a à peu près tous les métaux. Ils veulent sauvegarder leur indépendance. Et ça, ça a été la grande idée de Ménélique et ça a continué à être celle de... Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage... Là, les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. L'Éthiopie, ces temps-ci, s'impose brutalement à notre attention. Certes, nos angoisses sanitaires actuelles tendent à nous concentrer sur nous-mêmes. Certes, nos journalistes vont plus malaisément enquêter sur les drames qui se déroulent à distance de notre Europe. Certes, les violences des oppresseurs trouvent de ce fait une plus large latitude qu'en d'autres circonstances pour se déployer impunément à l'abri des caméras et à l'abri d'Internet. Il n'empêche que ce que l'on peut connaître, malgré toutes les censures étatiques des événements qui sont en train de ravager le Tigré au nord de l'Éthiopie, appelle un effort d'attention sous la lumière de l'histoire. Tel sera donc notre propos d'aujourd'hui. Et afin de le nourrir, je m'apprête à faire appel à l'expérience et au savoir de Bertrand Hirsch. Professeur à la Sorbonne, il est spécialiste de la Corne de l'Afrique et du Sahel à l'époque médiévale et particulièrement de l'Éthiopie, à laquelle il est grandement attaché. Archéologue reconnu, il a beaucoup fouillé dans ces espaces et il a dirigé naguère le Centre français des études éthiopiennes de la capitale Addis Abeba. Il a travaillé de longue main sur la relation exceptionnelle que l'Éthiopie entretient avec son passé, entre les réalités et les mythes. Des mythes qui ont été instrumentalisés par les dirigeants successifs au long des siècles et jusqu'à présent. Des mythes qu'il convient de confronter à la géographie compliquée d'un pays multiforme, au poids des religions qui se sont entrechoquées, le christianisme, l'islam et le paganisme, à l'effet récurrent des pressions exogènes, militaires, colonial ou économique. En affrontant une interrogation centrale, pourquoi et comment l'État éthiopien a-t-il donc réussi à subsister, alors même que les crises contemporaines démontrent, parmi tant de douleurs et de traverses rencontrées, que le processus de construction nationale, visiblement, n'est pas achevé. Ici la cathédrale Saint-Georges, à Addis Abeba. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 novembre 1955, le 23 Tekemt, 1948 de l'ère éthiopienne. Il est 8h30. Leur Majesté, l'empereur Haïlé Sélassié Ier et l'impératrice Menen viennent de faire leur entrée sous la vaste tente qui se dresse depuis hier devant l'une des 8 faces de la cathédrale octogonale. On éprouve ici une étrange impression de dépaysement. Où sommes-nous? Dans quel Orient fabuleux mêlé de modernisme? À quelle époque de l'histoire? D'un côté, le regard donne sur les dédales intérieurs et les ors de la vieille église copte. Au premier plan, de part et d'autre de l'autel, sont assis les évêques des 12 provinces, coiffés du turban noir, coupés de fils d'or. Ils encadrent leur patriarche, sa béatitude, l'Abuna Basilios, silhouette d'or sous sa tiare d'or. Sur les côtés, des moines coiffés de blanc chantonnent accroupis. Devant le rideau, l'empereur et l'impératrice sont agenouillés sur leur prie-dieu de velours rouge, ayant près d'eux les insignes de la dignité impériale, la couronne et le globe, l'épée d'or et la Bible. Des gardes veillent, sabres nus, la tête coiffée de la traditionnelle crinière de lion, insigne des guerriers. Mais le manteau entier de peau de lion, brodé d'or, est devenu rare, et les gardes éthiopiens d'aujourd'hui portent sur leurs épaules une cape de tissu découpée à la manière d'une peau. À droite des souverains, leurs enfants, et d'abord le prince Iritias Faugosen. À gauche et en arrière, les grands dignitaires, on reconnaît le vieux Ras Kassa, coiffé de sa couronne et le Ras Siyoum. Plusieurs centaines d'invités, délégations provinciales et parmi elles, les voiles rouges des femmes du Harar, chefs musulmans, fonctionnaires et notables éthiopiens, notabilités européennes en habit. Je regarde encore l'empereur, dont chacun a remarqué la profonde piété. entre la barbe et la chevelure, devenue classique, son visage vieilli par le travail et les épreuves a pris une gravité nouvelle. Mais l'empereur se relève, la cérémonie est terminée. Bertrand Hirsch, bonjour. Bonjour. Je vous ai proposé, pour ouvrir notre conversation, un reportage de Pierre Ishak. Pierre Ishak, en Éthiopie, lors des fêtes qui étaient données pour le jubilé de l'empereur Haïlé Sélassié en 1955. C'est un extrait d'une émission diffusée le 8 février 1956 dans une série qui s'appelait « Le monde comme il va ». Il y a un petit côté conférence de la salle Pleyel. Oui, alors, en même temps, ce reportage, je trouve assez intéressant parce que, d'abord, il témoigne de la fascination que représentait l'empereur Haïlé Sélassié. Pour les Européens. Pour les Européens, pour l'Occident en général. Une fascination que l'empereur savait très bien utiliser à son avantage, bien sûr. Et lors de ce jubilé, c'est-à-dire le jubilé d'argent, c'est les 25 ans après son sacre, en 1930, donc Haïlé Sélassié rejoue d'une certaine manière ce sacre. Donc c'est à peu près le même décorum, dans la même cathédrale, une cathédrale qui avait été bâtie au XIXe siècle par l'empereur Ménélique. Ménélique II. Ménélique II, bien entendu, le fondateur, pourrait-on dire, de l'Éthiopie actuelle. Donc il rejoue cette scène avec des représentants des différentes régions, évidemment un corps diplomatique qui est très fourni. En habit. C'était la même chose lors de son sacre, hein, qui avait été un moment, je dirais, presque médiatique à l'époque. Hein, bien sûr. Alors, en même temps, c'est un reportage qui est rempli d'or et d'orient. Et ça me fait penser immédiatement à une description beaucoup plus ancienne, qui est la description de la rencontre par Francisco Alvarez, situé vers 1521. Arrivée des Portugais. Voilà, arrivée des Portugais. Francisco Alvarez est le chaplain de cette ambassade portugaise. Et finalement, il réussit, un soir, il est admis au sein du camp royal, et il rencontre le roi, Lemda Dengel, un jeune roi qui a une vingtaine d'années. Et la description qu'il en fait, c'est à la fois une description réaliste, on reconnaît effectivement un personnage qui a existé, et c'est le prêtre Jean. Et l'image qu'il en donne, avec les gardes, avec les régalias dans les mains, etc., ressemble exactement, avec quelques nuances bien entendu, avec ce que l'on voit là dans ce reportage, de ce portrait d'Haïlé Sélassié. Le prêtre Jean, il va falloir que nous en parlions. Dans la catégorie des mythes qui vont être abondamment traités entre nous, et il figure au premier rang. Un des mythes fondateurs, bien sûr. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que cette année 1955, c'est l'année où Haïlé Sélassié va promulguer une nouvelle constitution. Après la constitution de 1931. Constitution qui veut marquer une forme de modernisation politique du pays, puisque pour la première fois, il envisage des élections pour la Chambre des représentants. Et en même temps, dans cette constitution, l'article 2 déclare que Haïlé Sélassié est le descendant en droite ligne du roi Ménélique Ier, c'est-à-dire du fils putatif du roi Salomon et la reine de Saba. Et dans son article 4, il dit aussi que sa dignité impériale doit être connue par tous et que, en gros, aucune critique n'est autorisée à son encontre. Un dernier élément, c'est la présence des provinces plus lointaines, le Harar, par exemple. Oui, alors, c'est pour montrer, c'est l'Empire dans sa diversité. La nation en voie de constitution. Alors, est-ce que c'est déjà une construction nationale ou, sans doute, y a-t-il des éléments déjà de construction nationale et en même temps, on voit bien des tensions qui pouvaient exister à l'époque entre les différentes régions. C'est un empire. Et peut-être faut-il rappeler que c'est un empire qui se constitue précisément à la fin du XIXe siècle, à l'époque du roi Ménélique II, hein, qui a régné entre 1889 et 1913. Et Ménélique II part de ce qu'on pourrait appeler le cœur de l'Éthiopie chrétienne, sur les hauts plateaux, avec ses armées. Et pendant une décennie ou deux, il va conquérir toutes les régions environnantes. Régions musulmanes, Harar, par exemple, qui est à ce moment-là conquise. Des régions du sud, comme les régions Oromo. Et donc, il y a constitution d'un nouvel espace géographique qui est un empire. Et aujourd'hui, certaines de ces populations, je pense en particulier aux populations Oromo, considèrent que c'est une conquête qui a parfois été violente et considèrent qu'il y a une véritable colonisation par le pouvoir éthiopien chrétien de ces régions. Nous sommes 65 ans après ce reportage de Pierre Ishak. Peut-être faut-il rappeler à nos auditeurs, nos auditrices, qui ne sont pas tous très compétent ce qu'est la situation actuelle et quel est le conflit dramatique qui est en cours de développement. Alors pour rappeler très brièvement les événements, donc à partir depuis le 4 novembre de l'année passée, donc 2020. Ça fait à peu près 4 mois, il y a une guerre qui oppose au Tigray, des troupes du gouvernement fédéral et des troupes qui étaient liées au TPLF, le parti qui dirigeait le Tigray et qui a pendant très longtemps aussi dirigé l'Éthiopie. Tigray, il faut rappeler que c'est une province du Nord. C'est une province du 6 Nord. 6 millions d'habitants sur... À peu près 6 millions d'habitants. 110. Voilà, sur 110 millions d'habitants, à peu près 6 millions d'habitants. Et c'est une région frontière avec l'Érythrée et le Soudan, d'une part, et Djibouti, d'autre part. Donc, il y a ce déclenchement d'une guerre, avec, au bout de 3 semaines à peu près, les troupes fédérales arrivent à prendre les principales villes du Tigré. Et depuis, on n'a pas d'informations. Il n'y a aucun journaliste qui peut pénétrer dans cette zone, d'une part. Les humanitaires, les organisations humanitaires essayent désespérément d'avoir accès au Tigré. On leur donne accès à peu près à 20% du territoire. Et donc, on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Et le fait qu'il y ait comme ça une sorte de guerre cachée est très mauvais signe. Il y a un certain nombre de témoignages qui remontent. Alors, ce sont des témoignages, évidemment. On peut difficilement les recouper. Mais des gens qui se sont échappés. Des gens qui se sont échappés, des gens qui sont... Il y a beaucoup de réfugiés au Soudan qui font état, tout de même, de massacres de grande ampleur, d'une présence forte de l'armée érythréenne, donc de l'armée qui vient du nord de l'Érythrée, alors qui est contestée, évidemment, à la fois par l'Érythrée et par l'Éthiopie. Voilà. Et donc, on ne sait pas grand-chose, mais... On peut supposer que c'est une sale guerre, une guerre civile, qui est en train de se dérouler dans le Tigré aujourd'hui. À la limite du génocide, ou c'est un trop grand mot ? C'est un trop grand mot pour l'instant, en particulier parce que on est pris, donc pas d'informations recoupées par des journalistes, d'une part, d'autre part, une guerre de propagande. Une propagande des quelques responsables du TPLF qui se sont échappés, qui sont aujourd'hui dans les TPLF, Tigray People Revolutionary Party, donc ce parti né de la rébellion tigraine dans les années 80-90 et qui prend le pouvoir à Addis Abeba en 1991. Bien. Et qui ensuite est chassé du pouvoir depuis 2018, petit à petit, et qui s'est replié dans sa base régionale, qui est le Tigray. Et donc, on a évidemment quelques informations venant de membres du TPLF, qui mènent visiblement une guerre de guérilla aujourd'hui, et puis une propagande aussi de l'État fédéral qui dit c'était simplement une opération d'ordre intérieur, restaurer la loi et l'ordre. Maintenant, la situation va très bien. Donc, on est pris entre ces deux discours contradictoires, sans information directe venant du terrain, et donc ça repose uniquement sur des témoignages. Mais je dois dire que toute la communauté des gens intéressés par l'Éthiopie, nous sommes très inquiets de la situation au Tigré. Comme vous le disiez, le paradoxe, c'est que les gens du Tigré ont été au pouvoir pendant de nombreuses années auparavant. Oui. Il y a cette espèce de revanche possible. Exactement. Le TPLF, donc ce parti, chasse en 1991, le gouvernement qui était dirigé à l'époque par Mengistu Haile Mariam, colonel. Qui était un dictateur sanglant, avec un État qui était calqué sur, l'État soviétique. C'est lui qui avait chassé et tué l'empereur Haïlé Sélassié. Exactement. On dit que c'est lui qui l'a tué directement en 1975. Vous voulez dire lui-même ? C'est ce qu'on raconte, qu'il l'aurait fait enterrer sous son bureau. En l'étouffant avec un oreiller. Allez, c'est ce qu'on peut retenir. Et donc, le TPLF, aidé à cette époque-là par la rébellion qui se développe aussi depuis longtemps en Érythrée, donc le TPLF prend le pouvoir. Et ils vont garder le pouvoir en Éthiopie, donc jusqu'en 2018, à peu près 27 ans, 28 ans, avant d'être écartés petit à petit. Et au profit du gouvernement actuel. Au profit du gouvernement actuel, dirigé par Abiy Ahmed. Qui a eu d'ailleurs le prix Nobel. Prix Nobel de la paix, parce qu'il a fait la paix avec l'Érythrée. Et Abiy, pour parler du gouvernement d'Abiy Ahmed, donc il arrive au pouvoir. Mais il arrive au pouvoir parce que les gens du TPLF veulent bien lui donner le pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des rébellions un peu partout dans le pays, en particulier dans la communauté Oromo. Et lui-même est en partie d'origine Oromo. Et donc, Oromo, c'est ce peuple qui constitue un tiers. Le groupe le plus nombreux en Éthiopie. Qui est situé où géographiquement ? Alors, le berceau géographique des Oromo, c'est le sud-est de l'Éthiopie. Mais ils ont entamé une expansion extraordinaire au XVIe siècle, et donc ils se sont installés dans tout le centre aussi, et l'est de l'Éthiopie. Quelle religion ont-ils ? Alors, au départ, ils avaient leur propre religion, et puis ensuite, ils se sont soit christianisés, soit islamisés, soit ils ont gardé des cultes anciens. Mais ils sont à la fois, dans certaines régions, chrétiens, dans certaines régions, ils sont musulmans. Tout cela éclaire d'entrée de jeu les forces centrifuges qui n'ont pas cessé de travailler l'Éthiopie et qui ont toujours mis en cause la constitution et le maintien d'une nation éthiopienne. Bien sûr, d'ailleurs les Oromo, certains Oromo, certains partis Oromo aujourd'hui revendiquent une nation Oromo, se présentent comme une nation Oromo. C'est pourquoi vous dites que ce n'est pas, il ne s'agit pas de lutte ethnique, mais de nations qui s'opposent mêlées. Ce sont des conflits à la fois politiques, on le voit très bien dans le conflit actuel entre le TPLF et le gouvernement de Abiy Ahmed, et des conflits entre nations. Tout cela ne peut guère s'expliquer, comme toujours, sans des éléments géographiques. C'est une région qui est très divisée et complexe géographiquement. C'est exact. Et pour vous y conduire, une archive qui est due, c'est un propos d'Harun Taziev, le fameux vulcanologue, qui est allé en Éthiopie et qui parle de ce pays, de ses richesses géologiques, dans Le Monde, en 420 minutes, France Inter, 6 septembre 1968. Ensuite, vous aurez toute latitude de critiquer, si vous le souhaitez, Bertrand Hirsch, ses propos. L'Éthiopie, c'est un pays extraordinaire, c'est pas du tout l'Afrique pour moi. Je ne la retrouve pas du tout en Éthiopie. L'Éthiopie, c'est sur les hauts plateaux, là où c'est peuplé d'Amarique, etc. Ça me fait penser aux très riches heures du duc de Berry, vous savez, c'est le Moyen-Âge. C'est extraordinairement moyenâgeux d'aspect. Je ne sais pas, ça évoque des toiles de Bruegel, la neige en moins. Et en bas, dans le désert, ou dans le subdésert, dans la région de savane qui entoure notre désert de lave et de sel, là alors, ça fait penser à l'Ancien Testament. Et comme disait un des camarades de l'expédition, l'Ancien Testament, c'est peut-être un peu jeune. Ça fait plutôt penser à la préhistoire. Pour un voyage donc de préparation à l'expédition que je devais conduire en hiver, d'une région tout à fait extraordinaire qui s'appelle l'Afar ou Dankali et qui est une dépression plus ou moins triangulaire qui se trouve à l'est de l'Éthiopie, qui englobe une partie de l'Érythrée, le Wollo et d'autres provinces, qui au point de vue géologique est un endroit absolument unique au monde. C'est le seul en réalité à la surface découverte par les océans du moins, où se croisent trois énormes systèmes d'effondrement de l'écorce terrestre. Il y a l'effondrement de la mer Rouge, qui est envahi par la mer, bien sûr. Il y a l'effondrement du golfe d'Aden, qui est évidemment aussi envahi par la mer. Et il y a l'effondrement qu'on appelle la grande vallée du Rift, Great Rift Valley of the East Africa, qui se croise en un point triple, donc déprimé, qui est ce grand triangle, qui est d'ailleurs lui-même sous le niveau de la mer, puisqu'il est à 120 mètres sous le niveau de la mer. Et nous sommes allés avec un petit avion, un petit Cessna, dans cette dépression, dans la plaine de sel extraordinaire. Et il y a un endroit où il y a une mine de potasse. Et là, il y a un airstrip, un champ d'atterrissage. Et j'ai proposé qu'on atterrisse, que j'aille un petit peu voir cette potasse, etc. Et à mesure que nous descendions, je regardais le tableau de bord parce que je me disais, c'est même très amusant, c'est la première fois de ma vie qu'étant en avion, je vais descendre en dessous du niveau zéro, puisque c'était à 120 mètres sous le niveau de la mer. Effectivement, l'altimètre a marqué zéro, nous continuons à descendre. En avion, c'est assez rigolo. Mais en même temps, je voyais le thermomètre qui donnait la température de l'extérieur, qui montait presque à la même vitesse. Et quand nous avons été à 1 mètre d'altitude à peu près, il marquait 55 degrés. Alors j'ai renoncé à atterrir. C'est fondamental, ça n'avait jamais été étudié. Et pourquoi ? Tout simplement parce que cette région est terriblement inhospitalière. C'est pour ça aussi, à cause de ce climat, entre autres, que la région est inexplorée scientifiquement. Ce regard sur la géographie, la géologie de votre Éthiopie, Bertrand Hirsch, ce regard de Harun Taziev, vous le considérez comme juste ? Alors, du point de vue de la géologie, c'est tout à fait exact. Mais il y a une dimension aussi dans son récit qui me frappe. Il situe d'une certaine manière l'Éthiopie dans un autre temps et dans un autre espace. Un autre temps puisqu'il nous parle de préhistoire, de temps biblique, de Moyen-Âge pour les hauts plateaux éthiopiens. Donc il renvoie à un temps des origines. Nous savons bien en tant qu'historien que le temps des origines c'est un temps mythique. Par définition. Et en même temps, c'est un espace, là aussi, qu'il nous décrit comme exceptionnel, et aussi un espace de l'origine, puisque c'est là qu'on va pouvoir saisir, que les géologues vont pouvoir saisir, la naissance des continents. Autour de ce discours scientifique, il y a donc une mythologie de l'Éthiopie qui s'exprime, et qui est une mythologie qui est ancienne, l'idée que c'est une terre de l'origine. On pourrait rappeler, en complément de ce que dit Haroun Taziev ici, que à sa suite, il y a un géologue français qui s'appelle Maurice Taïeb, qui a mené à la fin des années 60 des recherches géologiques en Éthiopie, dans la même région, dans l'Afar, et il a associé à sa recherche des paléoanthropologues. C'est comme ça qu'Yves Coppens est venu en Éthiopie, et c'est comme ça qu'en 1974, découverte de Lucie... Lucie, la voilà, je l'attendais. Lucie, la mère de l'humanité... C'était son titre à l'époque, bon, ça a un peu changé depuis. Et donc là aussi, on est renvoyé à un temps mythique, à un temps des origines. Et c'est ça qui est assez fascinant, je trouve, dans l'histoire de l'Éthiopie. Je dirais que c'est une histoire, pour reprendre une formule que j'aime bien, une formule de Michel Léris, dans un poème qui s'intitule « La Néréide de la mer Rouge ». Il parle d'une histoire, enfin, lui disait mémoire, moi j'ai dit histoire, d'une histoire fardée d'un sédiment de mythes. C'est une histoire fardée d'un sédiment de mythes. Et c'est peut-être ces sédiments qu'on va essayer de dégager maintenant ensemble. Nous aurions presque pu prendre cette belle expression comme titre de notre émission sur l'Éthiopie déchirée, Bertrand Hirsch. Et on voit l'importance aussi de ce rift est-africain que vous avez étudié vous-même dans un livre avec Bernard Roussel, qui est cette sorte de fracture, de coup de sabre au milieu du pays et qui distingue les différents hauts plateaux plus prospères qui l'entoure. Effectivement, on est dans une zone donc avec un système d'effondrement et de surrection des plateaux autour. Donc c'est ça qui est assez original, c'est vrai, dans cette zone. On a une région de hauts plateaux autour de 2000, parfois 3000 mètres. Et puis des zones très basses, la zone de l'Afar dont parle Haroun Taziev, avec des tas d'étages intermédiaires. Et donc des conditions écologiques, environnementales qui sont très diverses, qui expliquent aussi probablement pourquoi, depuis très longtemps, les humains se sont installés dans cette région. Le premier grand empire chrétien, c'est celui d'Abyssinie. Au IVe siècle. Le mot Éthiopie vient des Grecs et Abyssinie est plutôt autochtone. Oui, alors, c'est cela. Donc, Éthiopie, ça vient du grec. Sa signification étymologique, c'est face brûlée. Donc, c'est un terme générique qui renvoie, en fait, aux populations noires de ce qu'on appelle aujourd'hui la région subsaharienne. Bien. Pourquoi ce terme apparaît dans l'Éthiopie? Pourquoi ce terme est utilisé aujourd'hui pour dénommer ce pays? C'est parce que c'est le terme qui apparaît dans la traduction de la Bible, traduction dite de la Septante, donc réalisée au IIIe siècle avant notre ère, traduction de l'hébreu vers le grec, où le mot « couche » est traduit par « Éthiopia », « Éthiopia » en latin. Voilà, cette mention de cette région, qui était mal définie à l'époque, bien entendu, c'est une région du sud. Hein, bon, on a mention de cette région dans la Bible. Et Abyssinie ? Et Abyssinie, alors, vous avez raison. À l'origine, c'est un terme endogène, c'est un terme local, puisqu'on le retrouve, peut-être le nom d'un clan du royaume d'Aksum, on le retrouve sur des inscriptions épigraphiques de l'époque d'Aksum. C'est un terme qui est toujours utilisé aujourd'hui en Éthiopie, les Éthiopiens se disent Abacha. Et pourquoi ce terme a été à un moment donné rejeté? C'est parce que il a été utilisé aussi par des arabophones. Les arabophones, donc les langues sémitiques d'Éthiopie et l'arabe ou l'hébreu sont des langues assez proches. Et donc les arabophones ont réutilisé ce terme pour désigner cet espace, mais en lui donnant une connotation négative, avec une racine qui voulait dire ramassi, quelque chose comme ça. Et donc à un moment donné, les Éthiopiens ont choisi plutôt le terme Éthiopia, Éthiopie, terme biblique, plutôt que le terme Abash, Abacha, Abyssinie. Alors vous évoquez le royaume d'Aksum. Bertrand Hirsch, il faut s'y attarder un moment. Il a ce site particulier qu'il est chrétien. Il a succédé à un autre état moins connu avec des langues sémitiques et une écriture unique à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais attachons-nous au royaume d'Aksum, car aujourd'hui encore, il est dans l'ordre du concret, dans l'ordre du mythe, fort important. Exact. Aksum, non, c'est un royaume qui se développe, disons, depuis le début de l'ère chrétienne jusqu'au 7e siècle. C'est un royaume assez puissant pour l'époque, pour l'Antiquité, en raison en particulier de son contrôle du commerce dans la mer Rouge via le port d'Adulis, qui était le grand port du royaume d'Aksum. Alors, on ne va pas raconter l'histoire d'Aksum, mais simplement souligner peut-être un ou deux événements importants. Et un événement fondamental pour la suite, c'est évidemment la christianisation des élites à Aksum dans les années 330-340, sous le règne du roi Ezana. Au même moment, l'écriture éthiopienne va se transformer. C'est une écriture qui, au départ, est une écriture qui dérive de l'alphabet sud-arabique. Bien. Uniquement les consonnes ? Uniquement les consonnes, donc. Mais au IVe siècle, précisément à la même époque, ce système d'écriture devient un système syllabique. On ne sait pas très bien pourquoi, d'ailleurs. Il se lit de gauche à droite, contrairement à l'arabe. Et il se lit de gauche à droite, contrairement à l'arabe. Peut-être, dit-on, sous l'influence du grec, parce qu'il y avait une présence quand même des lénophones, une présence assez forte à l'époque à Aksum. Donc, christianisation, système d'écriture, endogène, particulier, traduction des textes bibliques. Alors, peut-être assez vite, on a besoin de textes. Et ces traductions, donc, vont s'effectuer, disons, entre le 4e et le 6e siècle. De la Bible, depuis la version grecque, la version dite des Septante. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. C'est là qu'il faut introduire les deux grands mythes fondateurs. D'un côté, la reine de Saba, et avec ses liens intimes avec le roi Salomon, et d'autre part, le prêtre Jean. Je voudrais que vous nous en disiez davantage, Bertrand Hirsch. Oui, alors effectivement, deux grands mythes. Un mythe qui est, entre autres, éthiopien, et puis un mythe qui est proprement européen. Alors, pour l'histoire de Salomon et Saba, sans rentrer dans les détails, on pourrait dire ceci. On sait que cette histoire qui raconte la rencontre entre Salomon Saba, à partir évidemment des récits bibliques, ajoute un élément essentiel, c'est la naissance d'un fils, qui serait le fils donc de la reine de Saba et du roi Salomon, lequel va devenir roi d'Éthiopie. Mais le fils, parce que le père c'est le seigneur en Jérusalem. Le père c'est bien entendu c'est le roi d'Israël. Et le fils, dit-on, est élevé, dans les récits, est élevé auprès de sa mère, en Éthiopie. À l'âge de 22 ans, il retourne voir son père. L'important, c'est de rappeler comment il est né, puisque la reine de Saba est allée voir Salomon, qu'elle admirait, et il y a eu une brève rencontre d'où est né cet enfant. Oui, alors par ruse. L'histoire dit que c'est par ruse que Salomon réussit à coucher avec la reine de Saba. Allons bon. Oui. Parce que, vous me la baillez belle. Et donc, un fils naît de cette union, il retourne voir son père, il refuse, c'est le fils aîné de Salomon, dans la légende, il refuse le trône, repart parce qu'il veut régner en Éthiopie, repart vers l'Éthiopie, accompagné d'un certain nombre de jeunes gens, des grands groupes de l'époque, du royaume d'Israël, en particulier des Lévites, et il part avec l'Arche d'Alliance. Et donc... L'Arche d'Alliance. Donc, le fameux Arche d'Alliance qui renferme les tables de la loi qui ont été données par Yahvé au Sinaï à Moïse. Et cette translation de l'Arche d'Alliance depuis Jérusalem jusqu'à l'Éthiopie montre aussi une translation du peuple élu. C'est désormais l'Éthiopie, les Éthiopiens, qui sont le peuple élu. Donc il y a une légitimité, je dirais politique, sacrée, extraordinaire, qui se joue dans cette histoire. On peut ajouter que Pendant longtemps, on a pensé que cette histoire provenait d'un récit qui s'intitule « Kubrunegust » ou « Gloire des rois », qui est un récit dont on sait qu'il a été composé ou traduit au début du XIVe siècle. Bien, on en a fait une sorte d'épopée nationale de l'Éthiopie. Or, je pense que là, on se trompe dans les termes. Ce récit devient une épopée nationale à l'époque de Ménélique seulement. Auparavant, c'est un récit extrêmement savant, extrêmement touffu, qui certes raconte en particulier cette histoire, mais en serré dans des développements qui sont tout à fait savants. Donc au tournant du 19e et du 20e siècle. C'est là que ça devient une épopée nationale. Il y a ce texte donc du 14e siècle, mais la légende, elle existe avant. Ça, on a pu le montrer. On a des témoignages depuis le 12e siècle, de l'existence de ce rattachement des rois d'Éthiopie au roi d'Israël et de la translation de l'arche. C'est-à-dire que c'est pas lié à la dynastie qu'on appelle salomonienne, qui apparaît à la fin du XIIIe siècle. C'est quelque chose qui est antérieur. C'est un thème de recherche encore. Je veux dire qu'il y a encore beaucoup de choses à trouver, mais je crois qu'il faut se débarrasser de cette idée d'une épopée nationale qui naîtrait au Moyen-Âge. Il n'empêche que ça permet tous les rêves. Vous me permettrez peut-être de citer André Malraux, qui, en 1934, avec son ami le futur général Corniglion Molinier, est allé en avion, chacun dans son petit avion, pour survoler le Yémen, où il cherchait la reine de Saba. Et il écrit dans les fameux anti-mémoires, « Ces terres légendaires appellent les farfelus ». C'est effectivement, il a fait un reportage pour un journal qui s'appelait L'Intrant, il a repris ça ensuite dans ses mémoires. Il y en a eu beaucoup, des farfelus. Et lui est particulièrement notoire. Oui. Et particulièrement inventif. Effectivement, la mythologie attire ce genre de réflexion, de commentaire. Alors, pour éclairer le regard que jette l'Occident sur l'Éthiopie dans ce Moyen-Âge, écoutez donc cet extrait de la légende dorée, la fameuse légende dorée de Jacques de Voravagine, qui a vécu au XIIIe siècle. C'est une lecture que j'emprunte au Chemin de la connaissance d'Hélène Tournaire sur Culture le 12 juillet 1979. Et vous allez voir apparaître en particulier l'apôtre Matthieu dont la personnalité est intrigante. Saint Matthieu, apôtre, prêchait en Éthiopie dans une ville nommée Nadaber. Quelqu'un vint annoncer l'arrivée de deux mages, accompagnés de dragons, qui, en vomissant un feu de soufre par la gueule et par les naseaux, tuaient tous les hommes. L'apôtre, se munissant du signe de la croix, alla avec assurance vers eux. Les dragons ne l'eurent pas plutôt aperçu qu'ils vinrent à l'instant s'endormir à ses pieds. Or, comme le peuple s'était rassemblé, Matthieu commanda de par le nom de Jésus-Christ aux dragons de s'éloigner, et ils s'en allèrent de suite, sans nuire à personne. Alors le roi, qui se nommait Égippus, ayant vu cela, envoya publier dans toutes ses provinces « Venez voir un dieu caché sous les traits d'un homme ». On vint donc, avec des couronnes d'or et différentes victimes, dans l'intention d'offrir des sacrifices à Matthieu. Mais celui-ci les en empêcha en disant « Ô homme, que faites-vous ? Je ne suis pas un dieu, je suis seulement le serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, avec l'argent et l'or qu'ils avaient apporté avec eux, ces gens bâtirent, par l'ordre de l'apôtre, une grande église qu'ils terminèrent en 30 jours, et dans laquelle saint Matthieu siégea 33 ans. Il convertit le pays tout entier. Le roi Égippus, avec sa femme et tout le peuple, se fit baptiser. Iphigénie, la fille du roi, qui avait été consacrée à Dieu, fut mise à la tête de plus de 200 vierges. Après quoi, Hyrtacus succéda au roi. Il s'éprit d'Iphigénie et promit à l'apôtre la moitié de son royaume s'il la faisait consentir à accepter sa main. L'apôtre lui dit « Ô roi, vous savez qu'Iphigénie est devenue l'épouse du roi éternel et qu'elle est consacrée par le voile sacré. Comment donc pourrez-vous prendre l'épouse de plus puissant que vous et vous unir à elle par le mariage ?» Quand le roi eut entendu cela, il se retira furieux de colère. Mais l'apôtre, intrépide et constant, exhorta tout le monde à la patience et à la constance. Ensuite, il bénit Iphigénie, qui, tremblante de peur, s'était jetée à genoux devant lui avec les autres vierges. Or, quand la messe solennelle fut achevée, le roi envoya un bourreau qui tua Matthieu en prière debout devant l'autel et les bras étendus vers le ciel. Le bourreau le frappa par derrière et en fit ainsi un martyr. À cette nouvelle, le peuple courut au palais du roi pour y mettre le feu, et ce fut à peine si les prêtres et les diacres purent le contenir. Puis, on célébra avec joie le martyr de l'apôtre. Oui, Voragine, Bertrand Hirsch, Voragine a beaucoup contribué à modeler l'idée que l'on s'est fait en Occident de ces terres mystérieuses de l'Éthiopie et de leur christianisation. Ce n'est pas le même Matthieu que l'évangéliste. Non, on pense que c'est un autre Matthieu que l'évangéliste. Alors, ce récit de Jacques de Voragine, donc ce dominicain qui a écrit La Légende Dorée, qui a eu un succès extraordinaire au Moyen-Âge, ce récit, il comprend d'abord des lieux communs de la géographie, bien entendu. Le saint qui arrive, qui accomplit des miracles, les dragons qui se prosternent devant lui, puis il convertit le roi, le peuple, voilà, pratiquement d'un claquement de doigts, une construction d'église en très peu de temps. Il y a aussi un héritage grec, puisque Iphigénie, c'était... Alors, il y a un héritage... La fille d'Agamemnon. Bien sûr, voilà, des lieux communs de la géographie, le martyr, finalement, et cette référence à Iphigénie et à ces vierges qui renvoie à une réalité du Moyen-Âge, c'est-à-dire aux nonnes. Et en même temps, le récit est situé en Éthiopie. C'est ça qui est étonnant. Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'on sait que Jacques de Voragine, pour ce récit, comme pour d'autres récits, il a entièrement repris ces éléments d'une compilation beaucoup plus ancienne qui date, pense-t-on, du 6e siècle de notre ère, qui est une compilation latine, rédigée en latin, sur la vie et la passion d'un certain nombre d'apôtres. C'est un texte qui s'intitule « Virtutes Apostolorum » ou « Pseudo Abdias » parfois. Les vertus des apôtres. Vertus, qui racontent la vie et les actes et les passions des apôtres. Et on comprend dès lors pourquoi il y a une sorte d'arrière-plan grec dans cette légende, hein, puisque vous avez cité Iphigénie, donc voilà, ça, peut-être que l'auteur du 6e siècle avait à sa disposition des matériaux rappelant la mythologie grecque, Iphigénie, peut-être les Éthiopiques aussi, des Liodores, enfin, il y a un arrière-plan grec. Alors cette Éthiopie, on revient à ce que nous disions tout à l'heure sur ce thème, c'est une Éthiopie qui n'a pas grand-chose à voir avec l'Éthiopie telle que nous la connaissons. Très souvent, l'Éthiopie n'est pas en Éthiopie dans la géographie ancienne. On sait très bien que l'Éthiopie, c'était un pays, un horizon géographique. Jacques Lecoq disait un horizon onirique en parlant de l'océan Indien. C'est exactement ça. Ça peut créer un certain malaise aujourd'hui, corrigé par la mythologie. Exact, exact. Et cet horizon onirique se voit très bien dans la légende du prêtre Jean. Le voilà, je l'attendais avec impatience. Voilà. C'est une légende qui apparaît au XIIe siècle, voilà, qui est popularisée par un texte qui est la lettre du prêtre Jean, une lettre, c'est une lettre apocryphe bien entendu, une lettre que le fameux prêtre Jean aurait envoyée à l'empereur byzantin Manuel Comnène, donc à la fin du XIIe siècle, qui va connaître un succès extraordinaire. On pense aujourd'hui que c'est une lettre qui a été sans doute fabriquée dans les terres d'Empire. Et donc on va rechercher ce personnage qui est à la fois roi et prêtre. Pouvoir spirituel, pouvoir temporel. Exactement, ce qui avait posé, comme vous savez, énormément de problèmes en Occident. La papauté avait bien réussi à séparer ces deux pouvoirs. Bon. Le pape et l'empereur sont tout, Victor Hugo. Exact. Donc on cherche désespérément ce personnage qui est à la tête d'un pays extraordinaire, un pays de cocagne, un pays qui ruisselle de lait, d'or, habité par des peuples et des monstres. Bien, on le recherche. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, c'est un roi chrétien. Il va pouvoir nous aider contre l'islam, contre les musulmans, et prendre à revers le monde musulman. Bien. Et donc, on va le chercher. Au XIIIe siècle, au moment où l'Asie s'ouvre, avec les routes de la soie, etc., où les marchands vont jusqu'en Chine, on pense à Marco Polo, etc., des missionnaires aussi, ils cherchent le prêtre Jean. Et ils vont l'identifier à plusieurs reprises à certains souverains, qui peuvent être parfois nestoriens, donc teintés d'une forme de christianisme. Bien. Une hérésie, les nestoriens. Considérés par nous comme une hérésie. Pardon, je suis pas occidentaux-centré. Et bien finalement, on trouve aucun personnage qui correspondent vraiment au prêtre Jean. Et au XIVe siècle, au début du XIVe siècle, l'Asie se ferme, eh bien, et on va transférer ce titre, cette légende, à l'Afrique. Et il y a là quelqu'un qui peut emprunter l'habit du prêtre Jean, qui est un roi, donc qu'on pense extrêmement puissant, et qui est chrétien. Et ça, on le sait parce qu'il y a des contacts avec des pèlerins à Jérusalem. Il y a une communauté de moines éthiopiens à Jérusalem. Donc, on sait que là-bas, quelque part, au-delà de l'Égypte, il y a un roi chrétien puissant et donc qui pourrait venir au secours des Occidentaux dans leur lutte contre l'islam. Donc le prêtre Jean surgit inopinément en Éthiopie. Exactement. Et alors, il est identifié formellement avec les rois d'Éthiopie au XIVe siècle, mais cette légende et cette identification vont perdurer jusqu'au XVIIe siècle. Et aujourd'hui encore, on y fait référence dans l'effort de construction d'une Éthiopie solide ? Non, parce que c'est une mythologie européenne. Les Éthiopiens, à un temps donné, au XVIe siècle, par exemple, un ambassadeur éthiopien qui a écrit un ouvrage avec un humaniste européen, Damien de Goysch, a essayé d'expliquer que oui, ce prêtre Jean, c'était éthiopien. Ça vient d'ailleurs d'un titre éthiopien, puisque Jan, c'est un titre que l'on donne au roi d'Éthiopie. Mais voilà, il n'y a pas de connexion plus forte que cela. Donc c'est une mythologie européenne, mais qui à l'époque a été extrêmement forte et qui va perdurer jusqu'au moment où les jésuites arrivent en Éthiopie. Après l'arrivée des Portugais qui aident à la reconquête chrétienne du royaume. Oui, alors... Là, on est au mi-temps du XVIe siècle. On est au mi-temps du XVIe siècle. À cette époque-là, il va y avoir une confrontation entre le royaume chrétien et sultanat musulman. Avec le royaume qui a repris beaucoup de lustre après des périodes obscures entre Aksum et lui-même. Oui, alors, effectivement, chute d'Aksum vers le 7e siècle, sans doute liée à la perte du contrôle de la mer Rouge et l'émergence de l'islam. Une période, mais qui est de mieux en mieux connue, une période du 8e, 9e jusqu'au 13e siècle, avec les recherches récentes sur à la fois les communautés chrétiennes et les communautés musulmanes de ce temps. Et puis, développement ensuite à partir de la fin du 13e, 14e, 15e, d'une royauté chrétienne éthiopienne très forte. Symbolisé peut-être par le grand roi du XVe siècle, le roi Zar Yaqob. À cette époque-là, les sultanats musulmans, il y a plusieurs sultanats musulmans, mais avec un sultanat dominant, les sultanats musulmans sont sous la pression des chrétiens. Et d'ailleurs, il y a certains textes qui montrent un esprit de guerre sainte du côté chrétien. Et ils sont soumis, je dirais, aux tribus, aux certains d'entre eux, aux souverains chrétiens. Et puis, au XVIe siècle, donc, il y a un leader religieux qui prend le titre d'imam, qui va fédérer les forces des différentes régions musulmanes et se lancer à la conquête de l'Éthiopie entre 1531 et 1543. D'où l'appel aux Portugais. D'où l'appel aux Portugais, l'appel au secours du roi éthiopien aux Portugais, qui envoie une escouade de soldats depuis l'Inde portugaise, une escouade qui va aider le roi éthiopien à vaincre les musulmans. Mais c'est un christianisme qui ne reconnaît pas l'autorité du pape, qui dépend en fait de Constantinople à l'époque. Non. Il n'est pas encore autocéphale, mais non, c'est les coptes, je me trompe. Oui. C'est un christianisme qui, depuis le IVe siècle, c'est-à-dire depuis la christianisation au moins des élites d'Aksum, est sous la dépendance d'Alexandrie. C'est donc un christianisme qui dépend hiérarchiquement d'Alexandrie, du patriarcat d'Alexandrie, et cette dépendance va durer jusqu'en 1959. C'est seulement en 1959 que l'Église éthiopienne devient autocéphale. Donc, C'est-à-dire autonome par rapport à l'Église copte. Donc, elle a été liée historiquement, pendant très très longtemps, à l'Église copte. En même temps, ce n'est pas une Église copte, c'est autre chose. Mais ils sont liés hiérarchiquement à Alexandrie. Et on les trouvait présents dans l'archive que nous avons entendu tout à l'heure. Bien sûr. Jubilé d'Haïlé Sélassié. Ben, l'Abouna de l'époque, le métropolite, était à l'époque encore un Égyptien. C'est lié à Alexandrie et ça veut dire que l'Église d'Éthiopie fait partie du monde qu'on a longtemps appelé monophysite, on dit aujourd'hui parfois miaphysite, qui veut dire qu'elle est évidemment très loin de Rome. Et Rome, les missionnaires qui vont arriver au milieu du XVIe siècle, ce sont des missionnaires jésuites. Rappelons que Ignace de Loyola, après la fondation de l'ordre, en 1540, il a tout de suite l'idée d'aller réduire, comme on disait, réduire l'Éthiopie. C'est-à-dire la ramener dans le giron de Rome. On oublie ça souvent. C'est l'épopée jésuite au Japon, en Chine, etc. L'Éthiopie était dans le programme jésuite. Et donc, ça n'a pas marché. Et ça n'a pas fonctionné. Au départ, d'ailleurs, il y a très peu, ça ne marche pas. Mais au début du XVIIe siècle, il y a une présence jésuite beaucoup plus forte en Éthiopie. Et ils vont réussir, tout de même, à entraîner vers le catholicisme romain une partie des élites du royaume, une partie des élites lettrées et le roi de l'époque. Alors maintenant, il est temps que je vous conduise, Bertrand Hirsch, vers ce Ménélique II que vous avez déjà évoqué, qui est vraiment le fondateur de l'Éthiopie contemporaine, en se demandant quelle place ont les mythes, quelle place a l'effort pour réussir à lutter contre les forces centrifuges, et aussi se demander quel est le rôle de l'Europe à l'époque coloniale dans l'histoire de l'Éthiopie que nous évoquons aujourd'hui. Effectivement, c'est le fondateur de l'Éthiopie actuelle. C'est quelqu'un qui va résister aux puissances coloniales. C'est un des deux seuls pays d'Afrique qui n'a pas été colonisé. Exactement. Avec le Libéria, peuplé d'anciens esclaves. Alors qu'il est sous pression des puissances coloniales britanniques, italiennes, françaises. Et il va donc jouer de la rivalité entre ces puissances et stopper l'invasion de l'Éthiopie par les Italiens. Il faut rappeler que les Italiens sont installés dans l'Érythrée depuis les années 1890. Ça devient une colonie italienne. Et les Italiens, donc, ensuite, veulent s'emparer de l'Éthiopie. Ils considèrent qu'ils n'ont pas eu leur part du gâteau. L'Érythrée, pour eux, est une part trop mince. Ils veulent conquérir l'Éthiopie. Mais et c'est patatras. C'est la fameuse bataille d'Adwa en 1896, la victoire des troupes, des guerriers de Ménélique contre l'armée italienne, qui a un retentissement extraordinaire jusqu'à aujourd'hui. Stupéfaction de l'Europe et au chagrin infini de la péninsule italienne. On peut dire que ça, c'est aussi un mythe fondateur de l'époque contemporaine, mais aussi au-delà de ça, une date qui a marqué les mouvements panafricains et autres. 1896, première fois qu'il y a une puissance coloniale qui est défaite par une société africaine. Donc, il réussit à résister à ces pressions coloniales. Il fonde un État qu'il essaie de moderniser, poste, télégraphe, il y a des conseillers européens, il essaie de moderniser l'armée, etc. Et en même temps, et ça m'intéresse particulièrement, il mobilise les lettrés du palais, les scribes du palais, pour réécrire l'histoire de l'Éthiopie. Ce qu'on a appelé la politique des ruines. C'est la politique des ruines. Il va faire chercher des manuscrits anciens. Il fait rechercher par des archéologues étrangers ou des Éthiopiens. Il fait rechercher des traces du passé ancien chrétien de l'Éthiopie pour montrer, quoi, que les régions qu'il vient de conquérir sont des régions qui étaient anciennement chrétiennes. Et donc, pour lui, il s'agit d'une reconquête de terres autrefois chrétiennes. Et donc, il utilise l'archéologie dans un programme politique. Il est tellement mythique que quand il meurt, on dissimule sa mort. Oui, d'ailleurs, avant sa mort, il est malade et on dissimule aussi sa maladie pendant plusieurs années. Alors, le grand homme, c'est Ménélique II, et le second personnage majeur, c'est évidemment Haïlé Sélassié, qui sera le dernier roi des rois. Et lui, c'est au contraire le vaincu de l'Italie. Oui. Alors, effectivement, il est d'abord Rastafari, donc un chef, un grand gouverneur de province, et puis il va devenir roi en 1928, puis empereur, roi des rois, en 1930. Et en 1935, l'Italie fasciste cherche sa revanche. Elle cherche sa revanche. Adwa, c'est un souvenir honteux pour les Italiens. Et donc, le gouvernement fasciste va programmer une reconquête ou une conquête de l'Éthiopie. On peut toujours trouver un prétexte. On peut toujours trouver un prétexte. C'est très facile à trouver. Et donc, ils vont réussir là à conquérir l'Éthiopie et s'y installer entre 1936 et 1941. Et ils en sont chassés en 1941, à la fois par des patriotes éthiopiens et des troupes britanniques. Haïlé Sélassié était en vain allé plaider devant la Société des Nations à Genève. La défense de son pays dévoré par Mussolini. C'est un discours qui est resté fameux, qui était un discours interrompu, assez extraordinaire. Interrompu par des journalistes italiens fascistes. Mais passons pour en venir à l'après-guerre, le retour d'Haïlé Sélassié, évidemment à partir de 1941, dans les fourgons des alliés, des Britanniques en particulier. Du point de vue qui nous occupe, centralisation ou force centrifuge, utilisation du passé? Oui. Constitution d'une nation, comment peut-on, avec le recul, jusqu'à la mort que nous avons évoquée de Selassie, tué, chassé puis tué par le dictateur Mengistu, quel souvenir ce roi des rois, cet empereur si brillant et ensuite tombé si bas, a-t-il laissé dans l'Éthiopie d'aujourd'hui? Écoutez donc ce témoignage d'un de ses anciens ministres. C'est un extrait de l'Afrique enchantée sur France Inter, le 22 août 2007. The emperor was being criticized for being a dictator. And of course he was a dictator, that's true. On reprochait à l'empereur de se conduire en dictateur. C'est tout à fait vrai. Il était un dictateur, aucun doute là-dessus. Il était le pouvoir unique et il se comportait de manière paternaliste. Mais le problème, c'est que les dictatures peuvent être de nature différente. Par exemple, tous les Éthiopiens, même les plus pauvres, avaient accès à l'empereur Haïlé Sélassié. N'importe qui pouvait venir rencontrer l'empereur et lui exposer son problème. Et il rendait son jugement. D'autres dictateurs n'ont même pas de contact avec les gens du peuple. Et l'empereur a posé les bases de tout ce que vous voyez maintenant, pour l'éducation, la santé. Et c'est quand même lui qui a aboli l'esclavage et qui a réussi à faire admettre l'Éthiopie à la Société des Nations. Sur beaucoup d'aspects, son règne a permis de pousser bien plus loin la modernisation du pays qui avait été initiée par Ménélique. Il avait beau être dictateur, il a abattu beaucoup de travail. He did a great deal of work. Until the philosophy which owed one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Vous avez, j'en suis sûr, Bertrand Hirsch, reconnu Bob Marley qui chantait War, une chanson écrite en 1976 et qui est inspirée par un discours d'Haïlé Sélassié devant l'Assemblée générale des Nations Unies à cette époque. Le côté Haïlé Sélassié, Saint-Louis sous un chêne, ça vous paraît vraisemblable? Le témoignage de l'ancien ministre de Haïlé Sélassié est quand même très paradoxal, parce qu'il dit d'un côté c'est un dictateur, et en même temps c'était un homme proche du peuple, voilà, c'est Saint-Louis sous son chêne. Or, on sait que, au contraire, l'accès à l'empereur était très difficile. C'était un homme très secret, il était protégé par différents cercles autour de lui, donc ça c'est vraiment de la mythologie contemporaine. Il était très difficile pour la population d'avoir accès à l'empereur. Il passait de temps en temps dans les rues, et quelqu'un distribuait des billets ou des pièces de monnaie. C'est à peu près le seul contact que les gens avaient avec lui, ou de le voir de loin dans des cérémonies. Donc, il y a quelque chose de très paradoxal. Par contre, on peut revenir sur l'idée d'un Haïlé Sélassié modernisateur de l'Éthiopie. Alors, c'est vrai qu'il a eu un très grand rôle international. Il était à Bandung en particulier. Il était à Bandung, des non-alignés, fait partie des leaders du monde non-aligné. Il va faire que l'organisation de l'unité africaine s'installe à Addis Abeba. Il a une envergure internationale très très forte. En même temps, à l'intérieur du pays, il y a une modernisation, par exemple, de l'éducation, ça c'est sûr. Il y a une université qui est fondée, plusieurs écoles. Modernisation aussi un peu dans le domaine économique. Mais il y a deux secteurs qui ne sont absolument pas modernisés. On l'a vu, c'est le secteur politique. Ce sont les institutions politiques qui sont quand même très, très en retard, bien, d'une part. Et peut-être le problème majeur, c'est la question foncière. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, une grande partie des paysans éthiopiens travaillent sur des terres qui appartiennent à la grande noblesse du temps, à la hiérarchie ecclésiastique. Tradition féodale, en fait, qui s'est maintenue à travers les siècles. Quasiment. Alors après, on pourrait parler du terme, etc. Mais il y a quelque chose comme ça. Et donc, ça va provoquer de nombreuses révoltes. et ce sont en particulier ces révoltes et les famines que connaissent les campagnes éthiopiennes qui expliquent la révolution qui est menée en particulier par les étudiants en 1974 et le renversement du régime. Qui aboutit à une période révolutionnaire qui renverse le régime impérial, mais révolution qui, après un an, est confisquée par les militaires. Prétendu marxisme est confisqué, voilà, par les militaires. Jusqu'à la chute de Mengistu en 1991. Est-ce que tout cela, ce sera ma dernière question, Bertrand Hirsch, peut contribuer à expliquer ce drame que vit actuellement l'Éthiopie ? Oui, en partie. On sait bien que le passé n'explique pas toujours le présent, mais ça permet de réfléchir à certaines choses, en particulier le fait qu'il y a construction d'une nation éthiopienne à partir de Ménélik. Il y a une fierté, d'ailleurs, de beaucoup d'Éthiopiens, d'être Éthiopiens, par rapport à l'étranger en particulier. Donc il y a un sentiment national qui s'est diffusé. Et en même temps, c'est un empire, c'est un ancien empire. C'est peut-être encore un empire d'ailleurs. C'est-à-dire, il y a des populations, des régions qui se sentent opprimées par le pouvoir central. D'ailleurs, il est notable qu'un grand nombre de langues soient parlées. Il n'y a pas d'unification autour de l'Amérique. Il y a eu pendant longtemps, à l'époque de l'empereur, puis à l'époque de Mengistu, il y avait l'Amérique comme langue véhiculaire. Mais le gouvernement, à partir de 91 du TPLF, a joué une carte qu'il a appelée ethno-fédérale, c'est-à-dire une fédération basée sur l'ethnie. On sait que ça, c'est très, très dangereux, basée sur de pseudo-ethnies. Et c'est ce qui a provoqué aussi, je pense, ce renouveau des revendications nationales aujourd'hui. Des revendications nationales dissidentes. Dissidentes. Merci beaucoup, Bertrand Hirsch. Vous trouverez une bibliographie abondante sur notre page Concordance des temps. Mais d'ores et déjà, je signale que, entre autres nombreux écrits, beaucoup d'articles, vous avez publié avec Bernard Roussel, Bertrand Hirsch, le Rift Est-Africain, une singularité plurielle. Une singularité plurielle, c'est tout ce que nous avez démontré à propos du pays tout entier. 2017, IRD édition. Je signale l'excellent numéro de la revue L'Histoire de janvier-mars 2017, on peut sûrement se le procurer encore, consacré entièrement à l'Éthiopie, de la reine de Saba à Haïlé Sélassié. Et puis votre complice, que j'ai eu déjà plusieurs fois à ce micro, François-Xavier Fauvel, qui est professeur au Collège de France, a publié un grand livre collectif qui s'appelle « L'Afrique ancienne, de l'Akakus au Zimbabwe », 20 000 ans avant notre ère jusqu'au XVIIe siècle, dans la belle collection des Mondes Anciens, dirigée par Joël Cornette chez Belin. Samedi prochain, nous parlerons de la propriété et du vol. Proudhon disait « la propriété, c'est le vol », c'est pas tout à fait la même chose en fait. Au XIXe siècle, je recevrai Arnaud-Dominique Hout, qui vient de publier un livre important sur ce thème. Lundi matin, vous retrouverez à 9h le cours de l'histoire de Xavier Mauduit, qui parlera cette semaine des bandits. Haut les mains, histoire de bandits. Et sur le fond d'une musique intitulée Afkot, du groupe Arat Kilo, avec Samuel Hirsch. Vous avez un rapport avec lui, Samuel Hirsch ? C'est mon fils aîné. Félicitations. Sur ce fond musical, je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Jean-André Giannichini à la prise de son, François Merlin à la discothèque et Hervé Evano pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, Christine Ockrent, Affaires étrangères.